Un matin qu'il ruminait sa mélancolie au coin de son feu, Des Lauriers entra. Les discours incendiaires de Sénécal avaient inquiété son patron, et, une fois de plus, il se trouvait sans ressources. « Que veux-tu que j'y fasse ?» dit Frédéric. « Rien, tu n'as pas d'argent, je le sais. Mais ça ne gênerait guère de lui découvrir une place, soit par M. d'Ambreuse, ou bien Arnoux. Celui-ci devait avoir besoin d'ingénieurs dans son établissement. » Frédéric eut une inspiration. Sénécal pourrait l'avertir des absences du mari, porter des lettres, l'aider dans mille occasions qui se présenteraient. D'homme à homme, on se rend toujours ces services-là. D'ailleurs, il trouvait moyen de l'employer sans qu'il s'en doutât. Le hasard lui offrait un auxiliaire, c'était de bon augure, il fallait le saisir. Et, affectant de l'indifférence, il répondit que la chose peut-être était faisable et qu'il s'en occuperait. Il s'en occupa tout de suite. Arnoux se donnait beaucoup de peine dans sa fabrique. Il cherchait le rouge de cuivre des Chinois, mais ses couleurs se volatilisaient par la cuisson. Afin d'éviter les gerçures de ses faïences, il mêlait de la chaux à son argile, mais les pièces se brisaient pour la plupart, les mailles de ses peintures surcrues bouillonnaient, ses grandes plaques gondolaient, et, attribuant ses mécomptes aux mauvais outillages de sa fabrique, il voulait se faire faire d'autres moulins à broyer, d'autres séchoirs. Frédéric se rappela quelques-unes de ces choses, et il aborda en annonçant qu'il avait découvert un homme très fort, capable de trouver son fameux rouge. Arnoux en fit un bond, puis, l'ayant écouté, répondit qu'il n'avait besoin de personne. Frédéric exalta les connaissances prodigieuses de Sénécal, tout à la fois ingénieur, chimiste et comptable, étant un mathématicien de première force. Le faïencier consentit à le voir. Tous deux se chamaillèrent sur les émoluments. Frédéric s'interposa et parvint, au bout de la semaine, à leur faire conclure un arrangement.